Frédéric était venu plein d'humeur contre Sisi. Sa sottise l'avait désarmé. Mais ses gestes, sa figure, toute sa personne, lui rappelant le dîner du café anglais, l'agaçaient de plus en plus. Il écoutait les remarques désobligeantes que faisait à demi-voix le cousin Joseph, un brave garçon sans fortune, amateur de chasse et boursier. Sisi, par manière de rire, l'appela « voleur » plusieurs fois. Puis tout à coup « Ah, le baron !» Alors, entra un gaillard de 30 ans, qui avait quelque chose de rude dans la physionomie, de souple dans les membres, le chapeau sur l'oreille et une fleur à la boutonnière. C'était l'idéal du vicomte. Il fut ravi de le posséder. Et, sa présence l'excitant, il tenta même un calembour, car il dit, comme un passait un coq de bruyère, « Voilà le meilleur des caractères de la bruyère !» Ensuite, il adressa à M. de Comin une foule de questions sur des personnes inconnu à la société. Puis, comme saisi d'une idée, « Dites donc, avez-vous pensé à moi ?» L'autre haussa les épaules. « Vous n'avez pas l'âge, mon petitot. Impossible !» Sisi l'avait prié de le faire admettre à son club. Mais le baron, ayant sans doute pitié de son amour-propre, « Ah, j'oubliais, mille félicitations pour votre pari, mon cher !»« Quel pari ? Celui que vous avez fait aux courses, d'aller le soir même chez cette dame !» Frédéric éprouva comme la sensation d'un coup de fouet. Il fut calmé tout de suite par la figure décontenancée de Sisi. En effet, la maréchale, dès le lendemain, en était au regret quand Arnoux, son premier amant, son homme, s'était présenté ce jour-là même. Tous deux avaient fait comprendre au vicomte qu'il, entre guillemets, gênait, et en avait flanqué dehors avec peu de cérémonie. Il eut l'air de ne pas entendre. Le baron ajouta. « Que devient-elle, cette brave Rose? A-t-elle toujours d'aussi jolies jambes ?» Prouvant par ce mot qu'il la connaissait intimement. Frédéric fut contrarié de la découverte. « Il n'y a pas de quoi rougir, » reprit le baron. « C'est une bonne affaire. » Sisi claqua de la langue. « Peu, pas si bonne. »« Ah ! Mon Dieu, oui. D'abord, moi, je ne lui trouve rien d'extraordinaire. Et puis, on en récolte pareil tant qu'on veut. Car enfin, elle est à vendre. »